Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. John Mayall est un musicien multi-instrumentiste, né en 1933 en Angleterre et décédé le 22 juillet 2024 à Los Angeles, à l'âge de 90 ans. Il s'intéresse à la musique grâce à son père, qui possède une belle collection de disques de jazz et de blues. Vers 12 ans, ses parents divorcent et il commence seul à apprendre la guitare et l'harmonica, puis le piano. Il devient graphiste publicitaire à Manchester, puis part à l'armée pendant la guerre de Corée en Extrême-Orient au début des années 50. Il ne deviendra musicien professionnel qu'à 30 ans, en formant son groupe les Blues Breakers. Son premier album, John Mayall Plays John Mayall, enregistré en public à Londres en 1964, paraît en 1965. Mais tout s'accélère avec un 45 tours simple qui paraît la même année, I'm Your Witch Doctor et Telephone Blues. I'm your witch doctor, got the evil eye, got the power of the devil, I'm the conjured guy, gonna teach you love at the midnight hour, gonna feel you burning like a passion flower. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, your witch doctor, your witch doctor, got my eyes on you. En effet, le guitariste soliste n'est autre qu'Eric Clapton, qui commence à avoir une certaine notoriété suite à son passage dans les Yardbirds. C'est le début d'une longue série de guitaristes et autres musiciens qui vont profiter de leur passage dans le groupe de John Mayall comme d'un tremplin pour leur propre carrière. En 1966, paraît l'album Blues Breakers John Mayall with Eric Clapton, aussi appelé Bino, titre du journal de BD que le guitariste est en train de lire sur la photo de couverture, entouré d'Hughie Flint, batterie, John McVie, basse, et bien sûr, Mayall, chant, clavier et harmonica. Le producteur est Mike Vernon, futur patron du label Blue Horizon. John Mayall sera bientôt surnommé le père du British Blues, car ce 33 tours fera date dans ce mouvement musical. kissing is kissing. All the loving is loving. All the kissing is kissing. Before I met you, baby, never knew what I was missing. Oh, you love, pretty baby, that I got in store for you. Oh, you love, pretty baby, that I got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too. Clapton a déjà fait sa valise pour aller créer Cream, le premier power trio supergroupe. John Mayall constitue une nouvelle équipe. John McVie à la basse et John Almond, saxophone, sont toujours là, avec un nouveau batteur, Ainsley Dunbar, et Peter Green à la guitare, que John avait repéré quand il accompagnait le chanteur Van Morrison. Le nouvel album, A Hard Road, sort en 1967. La pochette est une peinture des musiciens réalisée par John Mayall. Poor little baby, you got to love her, she's a girl. Poor little baby, you got me caught up in the world. She's a woman, another kind of woman, another kind of love. Poor little baby, you had the misery and you fell. Poor little baby, you got a secret you can't tell. She's a woman, another kind of woman, another kind of love. Another kind of woman, another kind of love. Oh, baby, another kind of love. À son tour, Peter Green décide de partir vers d'autres projets. John doit donc constituer une nouvelle équipe. Heureusement, on est en plein blues boom et les bons musiciens ne manquent pas. Et puis Mayall s'est souvenu de Mick Taylor, un jeune guitariste de 16 ans qui l'avait bien dépanné lors d'un concert où Eric Clapton n'était pas venu. Le nouveau disque s'intitule Crusade et paraît en septembre 1967. Et oui, à l'époque, il n'est pas rare de publier deux et même trois disques dans une seule année. Oh, pretty woman, use the rising sun. You say your cheap change in powder ain't gonna help you numb. 'Cause you're a pretty woman right down to your toes. What's the matter with you? Can't make you love me, no matter what I do. Oh, pretty woman, what you trying to do? You kept on fooling around just like I stepped on you. So you just drop that mess, come down off your throne. Stop you. My poor heart, just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, no matter what I do. Une petite pause pour les Blues Breakers, mais pas pour John Mayall, qui publie en automne 1967 l'album solo The Blues Alone. Keith Hartley en est le batteur sur quelques titres seulement, mais tous les autres instruments sont joués par John lui-même, piano, orgue, harmonica et les guitares, qu'elles soient 4, 6 ou même 9 cordes. So fine. I got a pretty woman and I wanna tell you she's so fine. And the way she moved me, people, I tell you I'm so glad she's mine. She fine and proud people and love the little things she do. She's fine and proud people and love the little things she do. I got my breakfast in the morning and I knew we loved and told. Touching my heart. She tell me that she loves me and I love the way she's touching my heart. And the way she goes on, I got a brand new start. Bien que n'ayant pas de tube à son actif, John Mayall et le blues boom en général sont à la mode et l'année 1968 sera tout aussi prolifique. En début d'année paraît deux albums en public, The Diary of a Band, volume 1 et volume 2, puis en juin le 33 tours Bare Wires, qui présente une face entière sous la forme d'une suite aux influences psychédéliques, bien dans l'air du temps, où la guitare de Mick Taylor se fait planante et luxuriante, tout comme le saxophone de Dick Extall-Smith. Walking. found the best one who said she could talk my loving ways. Living together, discovering pleasure, winter to summer, finding our love in a million ways. But good things always end, I said it's over, open up a new quatrième disque de l'année 1968, Blues from Laurel Canyon, fait référence à un quartier de Los Angeles, en Californie, où John Mayall s'est installé. La mention Blues Breakers a disparu, et c'est en formation compacte que John est à l'apogée de sa carrière, accompagné de Steve Thompson à la basse, Colin Allen à la batterie et Mick Taylor aux guitares, pour son dernier enregistrement avec le père du British Blues, avant de rejoindre les Rolling Stones. Watching all the people like the waves along the shore, to hang around the whiskey and empty up the sour. Seen a better crop, music all around, the flashing lights will never stop. I'm walking on sunset, yet I never reach the end. Well, I'm walking on sunset, everything is like a friend. Thank you. watch in every kind of car. Friendly people come and say they want to know your style. Cars, but they never bothered me. New magic world where I never felt so free. I'm walking on sunset, but I never reach the end. Yeah, I'm a walking on sunset. Everything is like a friend. Après 6 albums en studio et 2 en public, la compilation intitulée Looking Back paraît en 1969 et servira à John Mayall de transition, voire de rupture avec le British Blues pour s'orienter vers un blues jazz électro-acoustique sans batteur ni fioriture, marquant ainsi la fin des années 60 qui lui ont si bien réussi. C'est le début de nouvelles expériences musicales. Mais ceci est une autre histoire, un autre volet, un autre portrait de John Mayall. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.